Je fais le tour de Paris posé sur ma Vespa. La queue devant les clubs dans lesquels je rentre pas. Je me dis que je vais me coucher tôt mais à chaque fois je rentre tard. Les bords de scène remplis par une foule agitée. Ce qui se passe dans ma ville c'est parce qu'on voit au JT. Entre les sirènes et les rires je me suis fait à l'idée. Qu'en quelques secondes tout peut si vite basculer. On s'y retrouve mais on peut s'y perdre. Entre les mégots et les tickets par terre. Des fois c'est sombre mais on s'y fait. Une chose est sûre c'est qu'elle dessine mes cernes. Y'a des stories de fou mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. Et tout se passe ta nuit. Accompagné ou solo, en voiture, à pied, en vélo, les poches vides ou remplies d'euros. Non, j'ai pas besoin de tel ou je reste pas devant la télé. Non, expliquez-moi l'intérêt. Oui, il faut lâcher internet, y'a de quoi devenir taré.